بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث بعد المئة 103 درس toujours dans ce qui touche à la salat. Et là il va citer les arcan, les piliers de la salat. Les piliers de la salat. Ceux qui lorsqu'ils sont abandonnés, même oubliés ou quoi, la salat elle devient invalide, sauf si la personne s'en rend compte et fait ce jeu des sahou, la prosternation de distraction, comme il l'appelle. D'accord ? Le pilier ne peut être abandonné dans aucun cas, ni par oubli, ni rien du tout, sans quoi il faut recommencer. Le pilier entier qui a été délaissé, et ensuite faire les deux prosternations de sahou, on appelle de distraction. Et c'est la différence avec l'obligation et le pilier. L'obligation, si jamais tu l'oublies involontairement, d'accord, tu as juste à faire une prosternation de sahou. Et tu n'as pas recommencé cette obligation que tu as délaissée. Contrairement au pilier, le pilier, il faut le recommencer entièrement. Wakada. طيب فقال في السؤال 81 بعد 800 821 question. ما هي أركان الصلاة؟ Quels sont les pieds de la salat? Donc là, c'était les 14 connus. Il dit en premier lieu, Al-Qiyam al-Qudra, le fait de se tenir debout. Ces piliers, en fait, on les trouve dans le hadith de Abi Huraira, de cet homme qui ne sait pas bien faire la salat. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a appris à faire la salat. Et dedans, lui expliquer quels étaient les piliers. Donc là, il va, l'auteur, au fur et à mesure de ce hadith-là, va citer sur différentes parties du hadith. Donc en premier lieu, le fait de se tenir debout. Donc justement, dans ce hadith, de Awalen, il parle de Imran ibn Hussein, il dit qu'il avait des hémorroïdes. Donc il interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de la salat, comment faire. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salli il lui a dit, Nabi Salam, fais la salat en étant debout. Car c'est la base. Si tu ne peux pas, alors assis. Facilité. Et si tu ne peux pas, alors sur le côté, c'est-à-dire allongé. Rapporté par Abu Khali. Et dans le hadith de celui qui faisait mal la salat, de Abu Huraira, Nabi Salam, il lui a dit, il est comme tel salat, fa kabbir. Ça c'est dans ce qui vient après. C'est dans le deuxième pilier qui est Takbirat et l'Ihram. Le fait de dire Allahu Akbar pour entrer dans la salat. Naam. Afouane. Donc ça c'est dans le hadith d'Abu Huraira de cet homme qui faisait mal la salat. Le Nabi Sassam lui a dit il est compté la salat. Fakabbir. Il dit donc si jamais tu as accompli la salat, commence à faire la Takbir. Tu dis Allahu Akbar en levant tes mains. Ce Takbir là est un pilier de la salat. Après, troisième pilier, Qira'at al-Fatiha. Le fait de rester la Fatiha. Comme dans le hadith de Ubala ibn Samit, Anna Rasulullah sallam qala, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Qu'il n'y a aucune salat acceptée pour celui qui n'aura pas récité la fatiha. Naam. Le hadith est muttafaqun alayhi. Après, quatrième, un recours, l'inclinaison. C'est dans le hadith d'Abu Huraira de cet homme qui faisait mal à la salat. Le Nabi sallam lui a dit, Thumma arka hatta tatma'inna raki'an. Il a dit, incline-toi et jusqu'à ce que tu sois incliné de façon apaisée. C'est-à-dire, le fait d'être dans l'apaisement dans la salat est également une chose qui est importante. Ne pas se précipiter. Après, il dit Araf mener recours, de se relever du recours, de cette inclinaison pour se relever. Et dans toujours le même hadith de ce qui demande la salat, il le dit Thumma irfa atatatadil qa'ima. Après, il dit lève-toi, c'est ce que tu tiens droit debout. Thumma qala al-i'tidal ba'd al-ruku'. Le fait de se tenir droit après le recours, un certain temps. Ça, c'est dans le hadith d'Abu Huraira, celui qui faisait mal à la salat. Il a dit Thumma ilfa hatta ta'tadil qa'ima. Donc là, après avoir fait le recours, tu tiens un petit instant en étant debout. Après, 17e, As-sujud ala al-a'da as-sabi'a. Le fait de se prosterner sur les 7 ossements. Toujours dans le hadith de ceux qui faisaient mal à la salat, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ton sujud. Et dans un hadith d'Ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Umirtu an asjuda ala sabati a'zam, ala jabha, وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. Donc il a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, il a dit m'était ordonné de me prosterner sur cet ossement. Il a montré son front ainsi que son nez. Ça s'en présente un. Après ses deux mains, ça fait trois. Après ses deux genoux, ça fait cinq. Et après le bout de ses pieds, ce qui fait sept. Il a dit il m'était ordonné justement également de relâcher les cheveux ainsi que les vêtements. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de faire la salate avec les cheveux attachés pour l'homme. Et d'avoir les vêtements, maintenant les manches retroussées. Car tout doit se prosterner pour Allah Azzawajal. Pas de vêtements pliés, les manches retroussées. On appelle ça le kaft. Pendant la salat, c'est une chose qui n'est pas permise. D'accord ? Ce n'est pas permis. Après, il y a un khilaf entre ceux qui voient que c'est interdit dans l'absolu et ceux qui voient que c'est juste détestable. Car dans des hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà fait la salat avec les manches retroussées. Ça a déjà été rapporté. Après, il a dit araf minhu, le fait de se relever de sujoud. Toujours dans le hadith justement de cet homme qui faisait mal à la salat, il a dit thumma yarfa hatta tatma'inna jalisa. C'est-à-dire après lève-toi de ta prosternation jusqu'à ce que tu sois apaisé en étant assis. Qala tasi'an 9e al-jalsa bayna sajdatayn. C'est-à-dire la petite assise, pose assise qu'il y a entre les deux prosternations. Comme on vient de lire dans la partie du hadith. Après 10e tuma'nina fi jami' al-af'al. Le fait justement d'être apaisé dans tous ses actes. Ça, c'est un pilier. Alors, je dis c'est important, c'est un pilier. Et ça, ça a été cité dans le hadith précédent de cet homme qui faisait mal à la salat. À chaque fois, il lui disait Hatta tatma'inna kaza, hatta tatma'inna kaza. Il faut que tu sois apaisé dans telle chose. C'est-à-dire ne pas se précipiter. Après, 11e, est un tashahoud al-akhir. Le dernier tashahoud. Ça, c'est un pilier de la salat. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, où il a pris le tashahoud. Et il parlait du tashahoud qu'il y avait à la fin, et non pas du deuxième. Ou du premier, je veux dire. Ça, c'est le deuxième. Deuxième tashahoud, ou même le premier et dernier dans la salat du Fajr. Mais dans les autres salawats qui sont de 4 ou de 3, c'est le deuxième. Celui-là est un pilier. D'accord, il est un pilier. Et douzième, al-julus là, le fait de faire ce tashahoud en étant assis. D'accord, en étant assis. Le tashahoud ne se fait pas debout ou quoi, à part pour celui qui ne peut pas, comme celui par exemple qui serait allongé pour cause de maladie. Et 13e, as-salat ala nabi. Le fait de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc ça également, c'est parmi les piliers de la salat. Et cette salat sur le nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui a lieu pendant le dernier tashahoud. Et 14e est aslimatan. Les deux salutations de fin. Et certains voient qu'une seule suffit en réalité. Et le dalil, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, miftahu salat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Qu'il a dit que la clé de la salat, c'est la purification. Son tahrim, c'est-à-dire le fait de rentrer dedans et ne plus en sortir, c'est le fait d'avoir fait le takbir. Ça a commencé. Et le tahlil, le fait de s'en délier, c'est-à-dire une fois qu'elle est terminée, c'est le fait de faire le taslim. Et de là même, de ulama disent que tu ne sors pas d'une salat obligatoire, par exemple pour une raison valable, bien évidemment, sans que tu ne fasses la salutation avant de sortir. Ça, c'est un qawl, un avis qui existe. Naam. Fadha al-lazi akhadna al-yawm, qui sont les 14 piliers de la salat. Premier, être debout. Deuxième, le takbir de l'ihram, premier takbir. Troisième, lire la fatiha. Quatrième, l'inclinaison. Cinquième, se relever de l'inclinaison. Sixième, la pose debout après l'inclinaison. Septième, la prosternation sur les sept membres. Huitième, se relever de la prosternation. Neuvième, la pose assise entre les deux prosternations. Dixième, l'apaisement durant tout cela, avec quiétude. D'accord ? Onzième, le dernier tashahoud que l'on fait. 12e, le fait de le faire assis. 13e, le fait de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et 14e, la salutation de sortie. Naam. Abdallah Zirazan al-Yum. Alhamdulillah.